Chapitre 24. L'onagre, le phormium tenax, les pluies. Un matin que nous étions occupés à mettre la dernière main à notre escalier, nous fûmes tout à coup surpris par des hurlements aigus et prolongés qui se faisaient entendre dans le lointain. Nos deux dogues dressèrent soudain les oreilles et semblaient se préparer au combat. Je fus effrayé et j'ordonnai aussitôt à mes enfants de regagner le sommet de l'arbre. Nos armes furent chargées et disposées et nous nous tenions en garde, jetant nos regards de tous côtés. Mais le bruit ayant cessé quelques instants et rien ne paraissant, je descendis à la hâte bien armée, je rassemblai notre bétail épars, revêtis mes chiens de leurs colliers à pointe et remontai sur l'arbre pour attendre l'arrivée de l'ennemi. Jack, c'est le hurlement du lion. Je serais charmé de me trouver en face de ce noble animal qui est, dit-on, aussi généreux que brave. Moi, généreux, soit, cependant ne t'y fie pas. Mais ce ne sont pas des lions, assurément. Leurs rugissements sont plus prolongés et moins aigus que ceux-ci. Fritz, ce sont peut-être des chacals qui viennent nous demander vengeance de la mort de leur frère. Ernest, je crois plutôt que ce sont des hyènes dont le hurlement doit être aussi affreux que la mine. Franz, ce sont simplement des cris de guerre de quelques sauvages qui viennent manger leurs prisonniers. Moi, quoi que ce puisse être, faisons bonne contenance et prenons garde de laisser abattre notre courage par des craintes prématurées. Tandis que je parlais ainsi, je vis Fritz se mettre à rire et à jeter tout d'un coup son fusil de côté. Il avait reconnu le terrible ennemi qui nous menaçait. « C'est notre âne, s'écria-t-il, qui revient à nous et qui entonne simplement son hymne de retour. En effet, c'était bien notre fugitif. Nous l'aperçûmes à travers le feuillage, marchant paisiblement vers nous et s'arrêtant de temps en temps pour brouter. Mais il ne revenait pas seul. Il avait avec lui un animal d'une race à peu près semblable à la sienne. Ses formes étaient plus gracieuses. Il joignait à la force l'élégance du cheval. Je reconnus aussitôt l'onagre. Cette découverte me remplit de joie et balança très heureusement la mauvaise humeur que nous n'aurions pas manqué de ressentir contre notre baudet pour la panique qu'il nous avait inspirée. Je recommandai à mes fils le plus grand silence et je songeai aux moyens de nous rendre maîtres du nouveau venu. Je savais que les naturalistes regardent comme impossible d'apprivoiser l'onagre. Cette difficulté me tentait et je voulais faire l'épreuve d'un moyen qui me vint à l'esprit. Je pris une corde à l'extrémité de laquelle je fis un nœud coulant, puis je fendis en deux un bambou et je joignis par une ficelle les deux parties, mais à un bout seulement, de manière à obtenir une sorte de pince forte et résistante. Fritz, qui suivait attentivement tous mes préparatifs, les trouvait beaucoup trop longs. Et dans son impatience, il me proposait de lancer son lasso contre l'onagre, je le lui défendis. J'avais peur, s'il venait à manquer son coup, que le bel animal ne nous échappât, car je connaissais sa prodigieuse agilité. Quand nos préparatifs furent achevés, je chargeai Fritz, comme plus leste et plus adroit que je n'étais moi-même, d'aller passer au cou de l'onagre le nœud coulant que j'avais disposé, tandis que j'attachai à une racine l'autre extrémité de la corde. Je me cachai ensuite derrière un arbre et je laissai mon fils s'avancer seul. Il se présenta tranquillement devant le sauvage animal qui broutait. Cette vue parut l'effrayer. C'était sans doute la première figure d'homme qu'il rencontrait. Mais Fritz, restant immobile, l'onagre se remit paisiblement à paître. Son compagnon fut moins impassible. Il s'approcha, alléché par une poignée de grains mêlés de sel que mon fils lui tendait. L'onagre lui-même, attiré par la curiosité, avança la tête haute et en soufflant. À peine était-il à portée que Fritz lui jeta adroitement le nœud coulant par-dessus la tête. Le pauvre animal recula aussitôt, mais il était prisonnier et le bond ne fit que serrer davantage le nœud. L'étreinte fut même si forte qu'il tomba la langue pendante et sur le point d'être étranglé. Je me hâtai d'accourir et de desserrer le nœud. Je jetai autour de son cou le licol de l'âne. En faisant usage de la pince, je pris entre ses deux parties le nez de l'animal et je l'y tins fortement serré. La douleur qu'il en ressentit calma sa fureur et nous permit de l'approcher sans danger. Nous reconnûmes alors que c'était une femelle. Mes fils, dont l'imagination allait vite, se réjouissaient déjà de monter ce gracieux animal. Plus patient qu'eux, je leur dis qu'avant de le faire caracoler, il fallait songer à le dompter. Nous commençâmes aussitôt cette éducation qui présenta des difficultés inouïes. Il fallait chaque jour le serrer fortement pour en obtenir la moindre marque de soumission. Recouvrait-il sa liberté, il redevenait soudain ce qu'il était auparavant, farouche et indomptable. Je le fis jeûner, je le chargeai de lourds fardeaux. Tout était inutile, et plusieurs fois je désespérais de l'entreprise. Néanmoins, je continuai avec une ténacité et une constance que je n'aurais point eue en Europe. Stimulé par le besoin de réussir qui m'avait sans cesse guidé depuis que nous étions sur cette terre déserte, j'espérais toujours que la fatigue l'emporterait sur le mauvais naturel de l'animal. Mais j'avais beau faire. Il était doux et tranquille dans son écurie, se laissait approcher et caresser, mais il reprenait toute sa fureur dès qu'on essayait de le monter. Enfin, tous les moyens que j'avais imaginés ayant été inutiles, je me rappelais la manière dont les maquignons parviennent à rendre dociles les chevaux trop rétifs. Et tout cruel qu'était le procédé, je résolus d'y recourir. Un jour, que le bel animal se refusait comme de coutume à toute tentative pour le monter, je lui saisis rudement le bout de l'oreille entre les dents et je le mordis jusqu'au sang. Il s'arrêta aussitôt et resta immobile. Fritz profita du moment et s'élança sur son dos. Après quelques sauts, l'onagre reprit sa tranquillité et trotta comme mon fils le voulut. Je le cédai à Fritz. J'étais fier de voir mon fils voler comme l'éclair dans l'avenue de Falkenhorst sur ce beau coursier que j'avais eu l'honneur de dompter. J'eus soin cependant d'attacher ses deux jambes de devant avec une corde assez lâche qui devait modérer sa vitesse. Je lui adaptai aussi à la mâchoire un caveçon et au moyen d'une baguette dont on lui frappait l'oreille, nous parvenions à le diriger comme avec un mort. Nous commençâmes dès ce moment à le compter au nombre de nos animaux domestiques et à lui donner un nom. Nous l'appelâmes Leichtfuß, c'est-à-dire pied léger, et certainement jamais animal n'avait mieux mérité son nom. C'était un nouveau sujet ajouté à l'éducation de mes fils. Je ne désespérais pas encore de revoir l'Europe, et je me flattais que cette éducation qui développait leurs forces physiques et leurs grâces extérieures sans nuire à leur instruction morale, les mettrait un jour en état de briller dans la société. Pendant le dressement de Leichtfuß, qui n'avait pas duré moins de 3 semaines, la basse-cour s'était accrue. Nos poules avaient couvé une quarantaine de poussins. La bonne ménagère avait un soin minutieux de ce petit peuple. Elle en était plus fière et plus heureuse que nous ne l'étions de nos animaux de luxe. Le buffle seul trouvait grâce auprès d'elle parce qu'il traînait les provisions. Les autres, elle les proscrivait en masse. L'aigle, le nagre, le flamand, le singe, le chacal n'étaient pour elle que des bouches inutiles, des animaux à nourrir sans profit à en tirer. Les poulets, au contraire, étaient d'une utilité que personne ne pouvait contester. Elle les soignait aussi avec cette attention que les femmes possèdent seules. J'admirais avec quelle religieuse ardeur une bonne mère s'arrête à tout ce qui lui retrace l'image de l'enfance qu'elle aime tant. Ma femme, loin de se plaindre du surcroît de besogne que lui donnaient ses 40 à 50 poussins, en paraissait au contraire fort satisfaite. L'approche des pluies, hiver de ces contrées, nous força à songer à un travail nécessité d'ailleurs par l'augmentation de la basse-cour. Il fallait construire un toit destiné à protéger nos bestiaux contre les intempéries de la saison. Des bambous fournirent la charpente, de la mousse et de la terre glaise remplirent les intervalles, et une couche de goudron répandue par-dessus le tout nous donna un toit si solide qu'on aurait pu sans crainte marcher dessus. Les racines de notre arbre, qui s'élevaient en voûte, servirent de cloison que nous fermâmes avec des planches, et nous eûmes ainsi, au pied de notre habitation aérienne, une série de pièces assez bien disposées pour que nos provisions y fussent placées sans gêner nos animaux. Nous y avions ménagé un fenil destiné à abriter le foin, la paille et les provisions de bétail. Ce travail achevé, nous commençâmes à recueillir nos provisions. Les pommes de terre et le manioc eurent la préférence. Un jour que nous revenions de chercher des pommes de terre, et tandis que ma femme et Franz conduisaient le char à la maison, j'eus l'idée d'aller jusqu'au bois de chêne avec mes fils aînés. Maître Knips, qui nous avait accompagnés, attira tout à coup notre attention par ses cris. Il était engagé dans un buisson où d'autres cris et des battements d'ailes réitérés indiquaient qu'il n'était pas seul. J'y envoyai Ernest, qui ne tarda pas à nous appeler lui-même. « Papa ! » nous cria-t-il. « Papa ! Knip s'est aux prises avec une poule à fraises. Le gourmand veut manger les œufs, et voici le coq qui vient au secours de sa tendre moitié. Accourez donc, c'est curieux, moi je tiens Knips. » Fritz courut en effet, après avoir attaché l'Eichtfuss à un arbre, et je le vis bientôt revenir à moi tenant dans ses bras le coq et la poule à fraises. Il me remit les deux précieux volatiles, et il alla enlever les œufs tandis qu'Ernest retenait son singe. Celui-ci arriva bientôt après, tenant son chapeau avec précaution et chassant le singe devant lui. Il portait ainsi les œufs qu'il avait eu soin de recouvrir d'une espèce d'herbe longue et plate, dont les feuilles figuraient assez bien les lames de sabre. « Voilà de quoi amuser le petit Franz, » me dit-il en me montrant ses feuilles. Je le louai d'avoir ainsi pensé à son frère, mais je donnai peu d'attention à ce qu'il apportait et je m'arrêtai surtout à la découverte du coq et de la poule. Nous nous assurâmes d'eux en leur liant les pattes. Nous nous remîmes alors en marche. Pendant la route, Ernest portait souvent à son oreille les œufs, prétendant entendre remuer les poussins. En effet, je reconnus que plusieurs étaient cassés et que les petits commençaient à se montrer. Fritz, tout joyeux de la découverte, ne résista point à la tentation de mettre sa monture au trot pour l'annoncer à sa mère. Mais il ne put la modérer, car une poignée d'herbes aiguës qu'il agitait autour de ses oreilles lui donnait une rapidité effrayante. Il ne lui arriva rien de fâcheux cependant, et nous le trouvâmes sain et sauf auprès de sa mère. Pendant 2 jours après cette excursion, nous avions complètement oublié cette herbe. Fritz, en la maniant, s'aperçut qu'elle était très souple et il eut l'idée d'en tresser un fouet pour Franz, qui était chargé spécialement de la garde du troupeau. Je remarquai la flexibilité des longues feuilles de cette plante et en m'approchant, à ma grande satisfaction, je reconnus le lin vivace de la Nouvelle-Zélande, Phormium tenax. Ma femme en fut transportée de joie. De tous les produits de l'Europe, le lin était celui qu'elle regrettait le plus. Ses yeux étincelaient de plaisir, et déjà elle parlait de faire de la toile pour renouveler notre garde-robe, qui de jour en jour menaçait davantage de nous laisser nus. « Oh, de toutes vos découvertes, voici certainement la plus précieuse. Procurez-moi du lin, un rouet, des métiers. Je serai la plus heureuse des femmes. Je vous ferai des chemises et des pantalons de bonne toile. Donnez-moi une abondante provision de cette plante. » Tandis que ma femme se livrait à son enthousiasme, Fritz et Jack, qui le partageaient, s'esquivèrent et montèrent le premier sur le nagre, le second sur le buffle. Ils partirent avec une telle rapidité qu'ils avaient disparu avant que nous eussions pu nous opposer à leur projet. Ils revinrent, peu d'instants après, rapportant chacun une énorme botte de phormium. L'empressement qu'ils avaient mis à satisfaire leur mère ne me laissa pas la force de leur faire des reproches. À peine furent-ils descendus de cheval que Jack se mit à nous raconter d'une manière très drôle comment son cheval cornu avait suivi pas à pas l'onagre et combien peu il avait eu besoin de se servir de sa cravache pour l'exciter et le ramener à l'obéissance. « Il faudra, leur dis-je, aider votre bonne mère à rouir le lin que vous venez de cueillir. » Le lendemain matin, nous partîmes pour le marais des Flamands. Nous avions placé sur la charrette nos paquets de lin. Nous les divisâmes et nous les plongeâmes dans le marais, après les avoir chargés de grosses pierres pour les forcer à rester au fond. Dans l'intervalle, nous eûmes plusieurs fois occasion de remarquer l'instinct des Flamands. Ils construisent leurs nids en cône au-dessus de la superficie des marais et font au sommet un enfoncement dans lequel la femelle dépose ses œufs et où elle peut les couver en restant les jambes dans l'eau. Ces nids sont d'argile, et si solidement maçonné que l'homme ne peut ni les dissoudre ni les renverser. Le lin fut laissé 14 jours dans l'eau. Une seule journée suffit pour le faire sécher complètement. Nous le rapportâmes à Falkenhorst où il fut serré. Renvoyant au temps pluvieux qui s'approchait les occupations nombreuses de sa préparation, je promis à ma femme un rouet, des battoirs et tout ce dont elle aurait besoin après que son lin aurait été taillé. Mais nos récoltes demandaient nos soins. Et les premières pluies qui commençaient à tomber nous rendaient tous les moments précieux. Déjà, la température, de chaude et ardente, était devenue glaciale et changeante. Nos derniers beaux jours furent employés à ramasser des pommes de terre, du manioc, des noix de coco. La charrette ne cessait de rouler et nous nous donnions à peine le temps de prendre nos repas. Nous plantâmes à Zeltheim diverses espèces de palmiers. Nous sérâmes tout le blé d'Europe qui nous restait, car je comptais beaucoup sur l'humidité de la saison pour activer sa végétation et nous préparer l'espoir d'une récolte abondante qui nous fournirait ainsi le pain de notre patrie que nous regrettions beaucoup. Nous fîmes aussi une belle et vaste plantation de cannes à sucre. Nous voulions réunir autour de nous tout ce qui pouvait contribuer à nous être utile ou agréable. Les travaux durèrent quelques semaines pendant lesquelles l'hiver était déjà avancé. Des vents impétueux soufflaient dans le lointain et la pluie tombait par torrents et sans discontinuer. La côte ressemblait à un lac. Ma femme était devenue triste et Franz, effrayé, demandait quelquefois en pleurant si ce n'était pas un nouveau déluge. Je ne vis pas sans effroi que notre sûreté était compromise dans notre château aérien. Le vent menaçait à chaque instant de l'enlever et nous avec lui. La pluie qui fouettait avec force venait nous mouiller jusque dans notre lit malgré la toile à voile dont j'avais bouché les ouvertures. Nous abritâmes nos hamacs dans l'escalier et nous descendîmes chercher un asile sous le toit goudronné que nous avions couvert pour nos bêtes dans les racines du figuier. L'espace était étroit et l'odeur de nos voisins nous rendit l'habitation pénible les premiers jours. Mais enfin, quand nous eûmes placé aussi sur l'escalier les divers ustensiles de cuisine dont nous avions un besoin journalier, que ma femme eut pris l'habitude de travailler sur une des marches auprès d'une fenêtre, avec son petit Franz assis à ses côtés, quoique bien mal à notre aise et regrettant pour la première fois depuis notre naufrage les solides et commodes habitations de notre patrie, nous commençâmes à nous consoler. Pour ranimer davantage le courage des miens, je travaillais de toutes mes forces à améliorer autant que possible la position où nous nous trouvions. Je diminuais un peu l'espace destiné à nos bêtes. Nous fîmes sortir et nous abandonnâmes dans la campagne, celle qui, étant indigène, pouvait se suffire à elle-même. Afin que cette liberté ne nous les fît pas perdre, j'eus soin de leur attacher au cou des sonnettes et chaque soir je m'en allais, avec Fritz, les chercher dans les pâturages. Souvent même, elles revenaient seules à l'étable. Ces courses étaient extrêmement pénibles et il nous fallait les faire par une pluie dont les orages d'Europe ne peuvent donner une idée. Nous en revenions mouillés jusqu'aux os et transis de froid. Ma femme nous fit à chacun un manteau à capuchon qui nous fut d'un grand secours pour ses courses. Elle prit deux chemises de matelot qui nous restaient encore, elle y adapta des capuchons que nous pouvions rabattre à volonté et nous les enduisîmes d'une couche épaisse de caoutchouc. Grâce à ces manteaux imperméables, nous pouvions sans crainte braver la pluie. Ainsi vêtus, nous avions vraisemblablement assez mauvaise mine, car aussitôt que nous les endossions, la troupe partait d'un grand éclat de rire. Néanmoins, chacun d'eux aurait voulu en avoir un semblable, mais nous n'avions pas assez de caoutchouc pour les contenter. La fumée nous incommodait au plus haut degré. Elle était si épaisse, attendu que nous manquions totalement de bois sec, qu'il fallait renoncer à nous chauffer et même à allumer du feu pour les besoins de la cuisine. Nous nous contentions de vivre de laitage et nous nous bornions, à de longs intervalles, à faire du manioc ou à rôtir quelques morceaux de viande salée. Nos journées s'écoulaient au milieu de travaux qui étaient toujours les mêmes. Le soin des bestiaux occupait la matinée, puis nous faisions du manioc. La nuit arrivait de bonne heure, amenée par l'obscurité croissante du ciel, augmentée encore par l'épaisseur du feuillage de l'arbre. La famille alors se réunissait autour d'une grosse bougie. La mère soignait le linge. J'écrivais mon journal. Ernest en recopiait les feuillets. Fritz et Jack enseignaient à lire et à écrire à Franz, ou bien dessinaient les plantes et les animaux qu'ils avaient remarqués dans leurs excursions. Enfin, une prière de reconnaissance terminait dignement notre journée. Quelquefois, nous avions le bonheur d'avoir un peu moins de vent. Alors nous nous hâtions de faire rôtir soit un poulet, soit un pingouin pris dans le ruisseau. Tous les 4 à 5 jours, nous faisions le beurre, qui était pour nous un vrai régal. Ces petits incidents, qui rompaient la monotonie de notre existence, étaient pour nous de véritables fêtes. Le manque de fourrage fut cause que je m'applaudis de la détermination que j'avais prise relativement aux animaux originaires du pays. Nous n'aurions jamais pu les nourrir, car nous avions déjà tant d'animaux domestiques que nous étions fort en peine. Nous passions nos journées à la fenêtre, les yeux tournés vers l'horizon, attendant sans cesse une éclaircie. Ma femme elle-même, malgré sa prédilection pour Falkenhorst, commençait à s'impatienter et me demandait de construire pendant la belle saison une maison solide qui nous abritât un peu mieux l'hiver suivant. Falkenhorst devait être toujours, suivant elle, notre habitation d'été, mais la triste expérience que nous faisions nous prouvait la nécessité d'une maison d'hiver. Nous étions tous de son avis. Fritz me rappela alors Robinson Crusoe, qui avait trouvé une grotte dans un rocher, et nous engagea à aller chercher parmi les rochers de la côte un abri solide où nous pussions trouver, comme lui, cave, salle à manger, etc., quand les pluies auraient cessé. Nous avions le temps de mûrir cette idée, car la mauvaise saison continuait dans toute sa rigueur. Ma femme me tourmentait depuis longtemps pour lui faire un battoir et un peigne que son lin lui rendait indispensable. La confection de ces deux instruments nous occupa pendant les derniers jours de notre obscure retraite. Si le battoir fut facile à installer, il n'en fut pas de même du peigne qui me coûta beaucoup de peine. Deux plaques de fer blanc percées d'un grand nombre de trous par lesquels je fis passer des clous arrondis à la pointe et fixés par du plomb coulé sur les plaques dont j'avais relevé les bords, me fournirent un outil peu facile à manier, il est vrai, mais cependant convenable à l'emploi que nous voulions en faire. Et ma pauvre femme, en le recevant avec reconnaissance, se rappelait les heureuses journées où, établie auprès de son feu, elle préparait son lin et tout ce qui lui était nécessaire. Chapitre 25. La grotte à sel, habitation d'hiver, les harengs, les chiens marins. Je ne saurais exprimer avec quel transport, après nos longues semaines d'ennui, nous vîmes enfin les nuages disparaître, le soleil briller au milieu d'un ciel pur, et le vent dont la violence nous avait si fort effrayés, cesser entièrement. Nous saluâmes le retour du printemps par des cris de joie, et nous sortîmes avec bonheur de notre retraite pour respirer l'air pur de la campagne et reposer nos yeux sur la verdure rafraîchie qui parait la terre. La nature entière était rajeunie, et nous-mêmes avions déjà oublié toutes nos souffrances d'hiver. Notre plantation était en pleine prospérité. Les grains que nous avions semés commençaient à sortir de la terre en filets minces. La prairie était émaillée d'une multitude de fleurs. Les oiseaux avaient commencé leur chant. C'était une résurrection complète de la nature. Aussi nous célébrâmes le dimanche suivant avec une ferveur, une piété telle que nous n'en avions point encore eue dans l'île. Et nous nous mîmes sur le champ au travail avec ardeur. Nous nettoyâmes notre château aérien des feuilles que le vent y avait amassées. Il n'était nullement endommagé, et nous l'eûmes bientôt remis en état d'être habité. Ma femme, toujours active, ne perdit pas de temps et s'occupa de son lin. Elle le taillait et moi je le peignais. Je réussissais dans cette fonction, à laquelle j'étais tout à fait étranger, au-delà même de mes espérances. Le plus difficile restait à faire. Pour arriver à la toile, il fallait un rouet et un dévidoir. Les conseils de ma femme suppléèrent à mon manque d'habileté et je parvins à construire ces indispensables instruments. Dès lors, la mère ne se permit aucune distraction. Ses nouvelles occupations absorbèrent tout son temps. Le petit Franz dévidait tandis qu'elle filait. Elle aurait bien voulu que ses autres fils vinssent à son aide, mais il se montrait peu empressé de se livrer à cette besogne sédentaire, si ce n'est Ernest qui consentait volontiers à filer quand il prévoyait quelque occupation fatigante. Cet exemple eût été cependant bon à suivre, car nos habits étaient vraiment dans un état déplorable. Mais Fritz et Jack, faits pour les courses, aimaient beaucoup mieux errer en liberté. Il fallait utiliser les promenades. Nous nous dirigeâmes d'abord du côté de Zeltheim, car nous étions avides de connaître les ravages produits par l'hiver sur notre ancienne habitation. Cette demeure avait beaucoup plus souffert que Falkenhorst. La tente était renversée, la toile à voile n'existait plus, et la plus grande partie des provisions avait été tellement gâtée par la pluie qu'il fallait nous en débarrasser. La pinasse, grâce à sa construction solide, avait résisté. Il n'en fut pas de même du bateau de cuve. Il était devenu hors de service. En examinant nos provisions, je trouvai trois barils de poudre que j'avais omis de porter à l'abri du rocher. J'eus la douleur, en les ouvrant, d'en voir deux entièrement avariés et hors d'état de servir. En examinant la muraille des rochers, je désespérais de m'y creuser une habitation. Il paraissait d'une telle dureté que plusieurs semaines de travail auraient à peine suffi pour y pratiquer une cavité susceptible de nous y recevoir avec nos bestiaux et nos provisions. Et nous n'avions pas assez de poudre pour l'employer à faire sauter des éclats de rochers. Mais nous résolûmes du moins de faire quelques tentatives. ne fût-ce que pour creuser une cave capable de contenir nos poudres pendant la pluie. Tandis que ma femme était occupée de son lin, je partis un matin, accompagné de Jack et de Fritz, dans le dessein de choisir une place où le rocher fût d'une coupe perpendiculaire. Je traçai avec du charbon l'enceinte de la cavité que je projetais, et nous nous mîmes à l'ouvrage. Les premiers coups de marteau produisirent peu d'effet. Le roc était presque inattaquable aux ciseaux et à tous nos instruments. Aussi nous ne fîmes presque rien la première journée. Mes petits ouvriers ne se ralentissaient pas. La sueur ruisselait de nos fronts. Le courage nous donnait des forces, mais elles étaient inutiles tant que nous eûmes à lutter avec la couche extérieure du roc, et ce ne fut qu'après 2 jours de persévérance que nous sentîmes la pierre céder peu à peu sous nos coups. La couche calcaire que nous avions rencontrée fit place à une sorte de limon solidifié que la bêche pouvait facilement entamer. Encouragés par l'espoir du succès, nous continuâmes pendant quelques jours, et nous étions parvenus à 7 pieds de profondeur quand un matin Jack, qui enfonçait à coups de marteau une barre de fer, nous cria tout joyeux « J'ai percé la montagne! Venez voir, j'ai percé la montagne !» Fritz courut aussitôt vers son frère et vint me confirmer les paroles de Jack. La chose me parut extraordinaire. J'accourus à mon tour et je trouvai qu'en effet la barre de fer avait dû pénétrer dans une cavité assez spacieuse, car elle entrait sans obstacle et nous pouvions la tourner dans tous les sens. Je m'approchai, trouvant la chose digne de mon attention. Je saisis l'instrument qui était encore planté dans le roc, et en le secouant avec vigueur de côté et d'autre, je fis un trou assez grand pour qu'un de mes fils pût y passer, et je vis qu'en effet une partie des décombres tombait en dedans. Mais au moment où je m'approchais pour regarder, il en sortit une si grande quantité d'air méphitique que j'en éprouvai des vertiges et fus obligé de me retirer promptement. « Gardez-vous d'approcher, mes enfants. Fuyez, vous pourriez trouver ici la mort. » « La mort ? » s'écria Jack. « Croyez-vous qu'il y ait dans ce trou des lions et des serpents ? Laissez-moi approcher leur dire 2 mots. »« J'aime à te voir ce courage, mon petit ingénieur. Il n'y a là ni lion ni serpent, mais le danger n'existe pas moins. Et que ferais-tu si en entrant tu ne pouvais plus respirer ?»« Ne plus respirer ? Et pourquoi ? Parce que l'air y est méphitique ou corrompu, et qu'il vous prend alors un vertige ou un tournoiement de tête tel qu'on a peine à marcher. » Ce malaise est suivi d'une oppression qu'on ne peut vaincre, et l'on meurt subitement si l'on n'a pas un prompt secours. « Et que faire alors ? » dit Fritz, « pour purifier cet air ? » « Allumer un grand feu dans l'intérieur de cette grotte. Il s'éteindra d'abord, mais il finira par triompher, et alors nous pourrons entrer sans danger. » Sans tarder, ils allèrent tous deux ramasser de l'herbe sèche. Ils en firent des paquets, bâtirent le briquet et les allumèrent, puis les jetèrent tout embrasés dans le trou. Mais ainsi que je le leur avais annoncé, ils s'éteignirent et nous donnèrent la preuve que l'air était corrompu au plus haut degré. Le feu ne put pas même brûler à l'entrée. Je vis qu'il fallait purifier l'air d'une manière plus efficace. Je me souvins à propos que dans le temps, nous avions apporté du vaisseau une caisse qui avait appartenu à l'artificier, que nous l'avions serrée dans la tente et qu'elle devait être pleine de grenades et de roquettes d'artifice embarquées pour faire des signaux. J'allai y chercher quelques pièces et un mortier de fer pour les jeter au fond de la caverne. Je revins bien vite et y mis le feu. Je lançai des grenades qui, reposant d'abord sur le sol, finissaient par aller se briser sur le haut de la caverne d'où elles volaient elles-mêmes en éclats et en détachaient des morceaux énormes. Un torrent d'air méphitique sortait par l'ouverture. Nous lançâmes alors des roquettes qui semblaient traverser la grotte comme des dragons de feu en découvrant son immense étendue. Nous crûmes aussi apercevoir une quantité de corps éblouissants qui brillèrent soudainement comme par un coup de baguette et dont l'éclat disparut avec la rapidité de l'éclair en ne laissant qu'une obscurité profonde. Une fusée, entre autres, chargée d'étoiles, nous donna un spectacle dont nous eussions bien voulu prolonger la durée. Quand elle creva, il nous sembla qu'il en sortait une foule de petits génies ailés ayant chacun une petite lampe allumée et qui dansaient de tous côtés avec des mouvements variés. Tout étincelait dans la caverne qui nous offrit pendant 1 minute une scène vraiment magique. Mais ces génies s'inclinèrent l'un après l'autre et tombèrent sans bruit. Après ce feu d'artifice, nous vîmes une botte d'herbe allumée se consumer paisiblement et nous dûmes espérer que, du moins par rapport à l'air, nous n'avions plus rien à craindre. Mais il était à appréhender que dans l'obscurité, nous ne tombassions dans quelque flaque d'eau ou dans quelque abîme. Aussi j'envoyai Jack monté sur le buffle à Falkenhorst, pour communiquer notre découverte à sa mère et à ses deux frères, les ramener avec lui et rapporter tout ce qu'il pourrait de bougies avec lesquelles nous irions examiner l'intérieur de la grotte. Réjoui de cette commission, Jack, que j'avais choisi exprès parce que j'avais pensé que les peintures, dont son imagination colorerait le récit de ce qu'il avait vu, séduiraient ma femme et hâteraient son arrivée, Jack s'élança sur le buffle, fit claquer une sorte de fouet de roseau et partit avec une telle rapidité qu'il me fit dresser les cheveux sur la tête. Je m'occupais avec Fritz à agrandir l'entrée de la grotte et à la déblayer, afin que sa mère et ses frères puissent y entrer facilement. Après 2 à 3 heures de travail, nous la vîmes arriver sur le chariot attelé de l'âne et de la vache et conduit par Ernest. Jack, grimpé sur son buffle, caracolé devant eux, soufflait dans son poing fermé comme dans une trompette et fouettait de temps en temps l'âne et la vache pour les faire marcher plus vite. En arrivant près de moi, il sauta à bas de son buffle et courut aider sa mère à descendre. J'allumai promptement nos bougies. Nous en prîmes chacun une à la main. Une autre fut mise dans notre poche, un briquet dans notre ceinture et une arme dans l'autre main. Nous fîmes avec précaution notre entrée dans la grotte, moi en tête, puis mes enfants à moitié tremblants, enfin ma femme, que les deux chiens suivaient, l'œil au guet, la queue entre les jambes. Un magnifique spectacle s'offrit soudain à nos yeux. Tout autour de nous, les parois étincelaient comme un ciel étoilé. Du haut de la voûte pendaient d'innombrables cristaux de toutes sortes de longueurs et de formes, et la lumière de nos 6 flambeaux, reflétée 2 ou 3 fois, faisait l'effet d'une brillante illumination. Il nous semblait être dans un palais de fées, ou dans le cœur d'une vieille église gothique lorsqu'on y célèbre l'office divin à la lueur des flambeaux, dont la lumière se joue de 1000 façons sur les pavés de marbre, avec les rayons du jour colorés par les vitraux. Le sol de notre grotte était uni, couvert d'un sable blanc et très fin, comme si on l'eût étendu à dessein, et si sec que je ne pus apercevoir nulle part de traces d'humidité, ce qui me fit espérer que le séjour en serait sain et agréable pour nous. Les cristaux, d'après la sécheresse du lieu, ne pouvaient être le produit du suintement des eaux, et je trouvai, à ma joie inexprimable, en cassant un morceau, que nous étions dans une grotte de sel-gemme. Quel immense avantage pour nous et notre bétail que cette énorme quantité de sel pur, et tout près, qui ne demandait d'autre peine que de le recueillir, et qui valait mieux, à tous égards, que celui du rivage qu'il fallait toujours purifier. En avançant dans la grotte, nous remarquâmes des masses et des figures singulières que la matière saline avait produites. Il y avait des piliers entiers qui montaient depuis le sol jusqu'à la voûte et semblaient la soutenir. L'imagination pouvait se représenter tout ce qu'elle voulait dans ces formes vagues et bizarres. Des fenêtres, des feux, des autels, des figures d'hommes et d'animaux, les uns étincelants comme des diamants, les autres mats comme l'albâtre. Nous ne pouvions nous lasser de parcourir cette merveilleuse enceinte. Déjà nous avions rallumé nos secondes bougies lorsque je m'aperçus qu'il y avait sur le terrain, en plusieurs endroits, quantité de fragments de cristaux qui semblaient tomber de la voûte. Cette chute pouvait se répéter et offrir du danger. Une de ces lames cristallisées tombant sur la tête de l'un de mes enfants aurait pu le tuer. Mais un examen plus exact me prouva que ces morceaux n'étaient pas tombés d'eux-mêmes et spontanément, car la masse était trop solide, et si cette chute eût été produite par l'humidité, les morceaux se seraient dissous peu à peu. Nous fîmes alors, Fritz et moi, un examen sérieux de toutes les parties, en frappant à gauche et à droite avec de longues perches. Mais rien ne tomba. Rassurés alors quant à la solidité de cette demeure, nous nous occupâmes à tout préparer pour nous y fixer. Il fut résolu que Falkenhorst resterait pour cette saison notre demeure habituelle. Ensuite, nous n'y allions que la nuit, et toute la journée nous étions à Zeltheim, près du nouveau rocher, travaillant pour faire une habitation d'hiver chaude, claire et commode. Pendant qu'exposée à l'air, notre grotte durcirait bientôt comme la surface extérieure, je résolus de commencer aussitôt à percer les fenêtres. Je pris pour cela la mesure de celle que j'avais à Falkenhorst, qui était inutile puisque je ne voulais plus l'habiter que l'été. Pour la porte, je préférais en faire à notre arbre une décorce qui masquerait mieux notre demeure aux sauvages. Je dessinai tout le tour avec du charbon, puis nous taillâmes ces ouvertures où nous fîmes entrer les cadres dans les ramures qui les retinrent solidement. Quand la grotte fut terminée en dehors, je m'occupai de la division intérieure. Une très grande place carrée fut d'abord divisée en deux parties, celle de droite pour notre demeure, celle de gauche pour la cuisine et les écuries. Je résolus de placer au fond de cette dernière, où il n'y avait pas de fenêtre, la cave et les magasins. Le tout devait être séparé par des cloisons et communiqué par des portes. La partie que nous avions destinée pour nous fut séparée en trois chambres. La première, à côté de l'écurie, fut réservée pour notre chambre à coucher, à moi et à ma femme. La seconde pour la salle à manger. La troisième pour le lieu de repos de mes quatre enfants. La première et la dernière de ces chambres eurent des carreaux à leurs fenêtres. La salle à manger n'eut qu'un grillage grossier. Je pratiquai dans la cuisine un foyer près de la fenêtre. Je perçai le rocher un peu au-dessus, et quatre planches clouées ensemble et passées dans cette ouverture firent une espèce de cheminée qui conduisait la fumée au dehors. L'espace que nous réservâmes pour notre atelier fut assez grand pour nous permettre d'y entreprendre des travaux considérables. Enfin, l'écurie fut divisée en quatre compartiments pour séparer les différentes espèces d'animaux. Au fond se trouvaient la cave et les magasins. Le long séjour que nous fîmes à Zeltaïm nous procura plusieurs avantages sur lesquels nous n'avions pas compté et que nous ne tardâmes pas à mettre à profit. Très souvent, ils venaient au rivage d'immenses tortues qui y déposaient leurs œufs dans le sable et qui nous fournissaient de délicieux repas. Nous voulûmes ensuite prendre les tortues vivantes pour les manger quand bon nous semblerait. Dès que nous en voyions une sur le rivage, un de mes fils s'était dépêché pour lui couper la retraite. Pendant ce temps, nous approchions rapidement, nous la renversions sur son dos et lui passions une forte corde dans son écaille. L'extrémité opposée était attachée à un pieu planté aussi près du bord que possible. Puis nous remettions la tortue sur ses pieds. Elle se hâtait de fuir, mais voyant ses efforts inutiles, elle se résignait et restait à notre discrétion. Un matin, nous quittâmes de bonne heure Falkenhorst. Lorsque nous fûmes près de la baie du Salut, nous aperçûmes à notre grand étonnement, dans la mer, un singulier spectacle. Une étendue d'eau assez considérable paraissait être en ébullition. Elle s'élevait et s'abaissait en écume, et au-dessus volait une quantité d'oiseaux de l'espèce des mouettes, des frégates et autres que nous ne connaissions pas. Tous ces oiseaux poussaient des cris perçants. Puis, tantôt ils se précipitaient en foule sur la surface de l'eau, tantôt ils s'élevaient en l'air, volant en cercle et se poursuivant de tous côtés. Dans l'eau, il se montrait aussi quelque chose d'un aspect singulier. De tous côtés s'élevaient de petites lumières comme des flammes qui s'éteignaient aussitôt et se reproduisaient à chaque mouvement. Nous remarquâmes que cette bande semblait se diriger vers la baie du Salut et nous y courûmes pour la mieux observer. Nous fîmes mille suppositions sur ce que ce pouvait être. L'un voulait que ce fût un banc de sable, Jack un volcan, Ernest un monstre marin. Quant à moi, je reconnus enfin que c'était un banc de harengs, c'est-à-dire une énorme quantité de ces poissons qui quittent la mer glaciale et traversent l'océan pour aller frayer. Ces bancs sont suivis d'une foule de gros poissons qui en dévorent des quantités immenses. Ils attirent de plus des hordes d'oiseaux qui en attrapent ce qu'ils peuvent. Nous arrivâmes au rivage presque au même instant que les harengs, et au lieu de perdre notre temps à les admirer, nous nous hâtâmes de sauter dans l'eau pour prendre les poissons avec nos mains à défaut de filets. Mais comme nous ne savions où mettre tous ceux que nous prenions, je m'avisai de faire tirer à terre le bateau de cuve qui n'était plus bon à rien. J'allai chercher du sel dans la grotte et je dressai une tente de toile sur le rivage pour pouvoir nous occuper de saler ces poissons malgré la chaleur. Fritz resta alors dans l'eau pour saisir les harengs et nous les jeter à mesure. Ernest et sa mère les nettoyaient avec un couteau. Jack broyait le sel. Franz aidait tout le monde. Moi, je rangeai les harengs dans les tonnes. Je mis une couche de sel au fond, puis une couche de harengs ayant tous la tête tournée vers le centre, puis un nouveau lit de sel, puis un de poisson, la tête vers le bord, et toujours de même jusqu'à ce que mes cuves fussent remplies. Je mis sur la dernière couche de sel de grandes feuilles de palmier. Enfin, un morceau de toile sur lequel j'enfonçai deux planches que je chargeai de pierre, et les cuves pleines furent portées dans la grotte. Au bout de quelques jours, lorsque la masse fut affaissée, je les fermai encore mieux par le moyen d'une couche de terre glaise pétrie avec des étoupes. En travaillant du matin jusqu'au soir, nous ne pouvions préparer que 2 tonnes, et nous voulûmes que les 8 fussent pleines. Aussi ce travail nous occupa-t-il plusieurs jours. Peu de temps après, il vint une bande de chiens marins dont nous tuâmes un assez grand nombre. Leur chair fut abandonnée aux chiens, à l'aigle, au chacal, et nous gardâmes les pots et la graisse que nous nous réservions pour la tannerie et la lampe. Nous conservâmes aussi les vessies de ces poissons qui étaient fort grosses. Dans ce même temps, je fis une amélioration à notre claie pour transporter plus facilement nos provisions à Falkenhorst. Je la posai sur deux poutres au bout desquelles j'attachai des roues enlevées au canon du vaisseau. J'obtins ainsi une voiture légère, commode et peu élevée. Chapitre 26. Le plâtre, les saumons, les esturgeons, le caviar, le coton. Nous continuions à faire de l'arrangement de la grotte notre travail habituel, et quoique nos progrès fussent assez lents, j'espérais cependant que nous y serions établis avant la saison pluvieuse. J'avais cru découvrir dans la grotte du space gypseux, et je me proposais d'en recueillir le plus possible. Mais comme la grotte me paraissait assez grande, je cherchais seulement un endroit que je pusse faire sauter. J'y réussis, et je fis porter à notre cuisine les morceaux. Je les faisais rougir, et lorsqu'ils étaient calcinés et refroidis, on les réduisait en poudre avec la plus grande facilité. Je remplis plusieurs tonnes. J'avais trouvé le plâtre. Le premier emploi de mon plâtre fut de l'appliquer en couche sur 4 de nos tonnes de harengs afin de les rendre plus impénétrables à l'air. Je destinais les poissons des 4 autres à être fumés et séchés. À cet effet, nous disposâmes dans un coin écarté une hutte à la manière des pêcheurs hollandais et américains, composée de roseaux et de branches, au milieu desquels nous plaçâmes à une certaine hauteur une espèce de grille sur lequel les harengs furent déposés. Nous allumâmes en dessous de la mousse et des rameaux frais qui donnèrent une forte fumée, et nous obtîmes des harengs d'un jaune d'or, brillant et fort appétissant. Nous les serrâmes dans des sacs pendus le long des parois. Environ un mois après cette pêche, nous eûmes une autre visite qui ne fut pas moins profitable. La baie du Salut et les rivages voisins se trouvèrent pleins d'une grande quantité de gros poissons qui s'efforçaient de pénétrer dans l'intérieur du ruisseau pour y déposer leurs œufs. Jack fut le premier à s'apercevoir de leur arrivée et vint m'en avertir. Nous courûmes tous au rivage et nous vîmes en effet une grande quantité de gros et beaux poissons qui s'efforçaient de remonter le courant du ruisseau. Il y en avait déjà plusieurs qui me parurent avoir de 7 à 8 pieds de long et qu'à leur museau pointu, je pris pour des esturgeons. Les autres étaient des saumons. Pendant que je cherchais les moyens d'attraper ces poissons, Jack courut à la caverne et revint bientôt avec un arc, des flèches et un paquet de ficelles. Il attacha un bout de la ficelle à une des flèches et laissa le paquet à terre chargé de grosses pierres. Puis, visant le plus gros des saumons, il la lui décocha. Le coup atteignit son but. Nous courûmes à la ficelle, mais le saumon se débattait tellement que si Fritz et Ernest n'étaient pas venus en ce moment nous rejoindre, la ficelle aurait cassé. Avec leur aide, nous amenâmes le poisson à terre où il fut tué. Ce début excita notre émulation. Armé, moi d'un trident, Fritz de son harpon, Ernest d'une forte ligne et Jack de ses flèches, nous commençâmes une pêche qui eut pour résultat 2 gros saumons, 2 plus petits et un immense esturgeon long de plus de 10 pieds. Tous nos poissons furent bien nettoyés et nous recueillîmes plus de 30 livres d'œufs que je destinais à faire du caviar. Pour cela, je les mis dans une calebasse percée de petits trous et je les y soumis à une forte pression. Lorsque l'eau fut écoulée, ils en sortirent en masse solide comme du fromage que nous portâmes dans la hutte à fumer. Avec les vessies, je fis ensuite une colle qui me parut si transparente que j'eus l'idée d'en faire des carreaux de vitre. Je proposai alors à mes enfants d'entreprendre une excursion lointaine, d'aller visiter en passant nos plantations et les champs ensemencés par ma femme de graines européennes. Nous voulions, avant les pluies, faire une bonne provision de baies à cire, de gomme élastique et de calebasse. Notre jardin de Zeltheim était dans l'état le plus florissant et nous y avions toutes sortes de légumes d'un goût excellent qui fleurissaient et mûrissaient successivement. Nous avions aussi des concombres et des melons délicieux. Nous moissonnâmes une immense quantité de blé de Turquie dont les épis étaient longs d'un pied. La canne à sucre avait prospéré ainsi que les ananas. Cette prospérité dans notre voisinage nous donna les plus belles espérances pour les autres plantations et nous partîmes tous un matin de Zeltaïm. Nous allâmes d'abord visiter le champ planté près de Falkenhorst. Les grains avaient levé parfaitement et nous récoltâmes de l'orge, du froment, du seigle, de l'avoine, des pois, du millet, des lentilles, en petite quantité, il est vrai, mais assez pour les semailles de l'année suivante. La moisson la plus considérable fut celle de maïs, auquel ce terrain paraissait surtout convenir. Au moment où nous approchâmes de la partie où il croissait, une douzaine au moins de grosses outardes prirent la fuite à grand bruit. Nos chiens s'élancèrent alors dans les épis et firent lever un essaim immense d'oiseaux de toutes les grosseurs et de toutes les espèces. Nous fûmes tellement troublés par ces surprises qu'aucun de nous ne pensa à se servir de son fusil. Fritz, le premier, revint à lui et déchaperonnant son aigle qu'il portait avec lui, il le lança sur les poules outardes qui s'envolaient. L'aigle prit rapidement son vol et Fritz, sautant sur le nagre, s'élança à sa suite. L'aigle, s'élevant droit dans les cieux, parvint enfin au-dessus des outardes, puis se balançant un moment, il se laissa tout à coup tomber avec la rapidité de l'éclair sur l'une d'elles qu'il saisit et retint sous ses redoutables serres jusqu'à ce que Fritz, arrivant au galop, l'eût délivré. Nous accourûmes tous vers lui. Jack resta seul dans le champ pour essayer l'adresse de son chacal qui justifia les efforts de son jeune maître car il lui attrapa une douzaine de cailles avant mon retour. Nous examinâmes l'outarde qui n'était que légèrement blessée et nous nous hâtâmes d'arriver à Falkenhorst car nous étions affamés. La bonne mère, qui l'était autant que nous, s'occupa cependant à nous donner une boisson de sa façon. Elle écrasa des grains de maïs, puis les pressant dans un linge, elle obtint une liqueur blanchâtre qui, mélangée au jus de nos cannes à sucre, nous procura un breuvage agréable et rafraîchissant. Cependant, j'avais pansé notre outarde, qui était un coq, et je l'attachai par la jambe dans le poulailler à côté de la femelle. Les cailles, plumées et mises à la broche, nous fournirent un excellent repas. Je résolus alors de former une colonie de la plupart de nos animaux, dont le nombre était assez considérable, de telle sorte que nous n'eussions plus l'embarras de les nourrir et que cependant nous pussions les retrouver au besoin. Le lendemain donc, ayant pris quelques poules et plusieurs coqs, quatre jeunes porcs, deux paires de brebis, deux chèvres et un bouc, et les ayant attachés sur le char attelé de l'âne, de la vache et du buffle, nous quittâmes Falkenhorst. Nous prîmes cette fois une nouvelle direction entre les rochers et le rivage, afin de connaître la contrée qui s'étendait depuis Falkenhorst jusqu'au promontoire de l'Espoir trompé. D'abord, nous eûmes assez de peine à franchir les hautes herbes et à nous tirer des lianes et des broussailles qui retardaient encore notre course. Après une heure de marche assez pénible, nous sortions d'un petit bois lorsqu'il se présenta devant nous une plaine dont les buissons semblaient de loin couverts de flocons de neige. Le petit Franz les aperçut le premier du char où nous l'avions fait monter. « Maman, s'écria-t-il, de la neige, que j'aille en faire des boules, laissez-moi descendre. » Nous ne pûmes nous empêcher de rire à l'idée de la neige par la chaleur qui nous accablait, mais nous ne pouvions imaginer ce que pouvaient être ces flocons blancs. Fritz, qui galopait en avant sur le nagre, vint bientôt nous en apporter et nous montra du très beau coton. La joie que causa cette découverte fut fort vive. Le petit Franz regrettait bien un peu ses boules de neige, mais il se consola en nous aidant à en ramasser des paquets et ma femme remplit ses poches de graines pour les semer près de Zeltaïm. Après quelques moments, j'ordonnai le départ. Je me dirigeai vers une pointe qui menait au bois des Calebassiers et qui, étant assez élevée, me promettait une très belle vue sur toute la contrée. J'avais envie d'établir notre colonie dans le voisinage de la plaine des cotonniers et des arbres à courges, où je trouvais tous mes ustensiles de ménage. Je me faisais d'avance une idée charmante d'avoir dans ce beau site tous mes colons européens et d'établir là une métairie sous la sauvegarde de la Providence. Nous dirigeâmes donc notre course à travers le champ de coton et nous arrivâmes en moins d'un quart d'heure sur cette hauteur que je trouvais très favorable à mon dessein. Derrière nous, la forêt s'élevait et garantissait du vent du nord. Au-devant, elle se perdait insensiblement dans une plaine couverte d'une herbe épaisse et arrosée par un limpide ruisseau, ce qui était pour nos bêtes et pour nous un avantage inappréciable. Chacun approuva ma proposition de former là un petit établissement, et tandis que le dîner se préparait, je parcourus les environs afin de chercher des arbres assez bien placés pour former les piliers de ma métairie. J'eus le bonheur de trouver ce qu'il me fallait à une ou deux portées de fusil environ de l'endroit où nous nous étions arrêtés. Plein de joie et d'espérance, je rejoignis mes enfants qui travaillaient près de leur mère. Et après le repas, nous nous préparâmes par le repos à entreprendre dès le matin la construction de notre métairie.